Continue notre plongée dans la culture club. Cette fois, on file en Angleterre, et plus précisément à Brighton. C'est le collectif Aka Karoar qui organise des soirées résolument inclusives, avec des line-up soignés, comme avec Joy Orbison ou Ben UFO. On se retrouve aussi avec l'impeccable Leon Vine Hall. Nous sommes en 2019. Son Lady Quartet en 2004 et elle s'entoure alors de musiciennes françaises. C'était sur l'invitation du festival Jazz à Vienne, bah oui, juste à côté de Saint-Étienne. Oui, Free Queens, l'orgue, le saxophone, le groove. Thank you. gorgeous song. Tell yourself to sweet. This is Fred, you know. That's why I tell you such a innocent. Yeah. C'est le producteur Renaud Letang qui se lance dans une carrière solo. Pas tout à fait solo finalement, car Renaud Letang s'entoure des bisous de Feist, de Benny Sings que l'on programme depuis longtemps dans la nuit des temps, et de Philippe Catherine. Un petit travail sur soi. Bienvenue en 2025. La nuit des temps, l'international de la danse. Repartir à zéro. Watching a man to stick it out and make a home from a rented house. Oh, oh, oh, oh. And we'll collect the moments one by one. I guess that's how the future's done. Oh, oh, oh, oh. And how many acres, how much light, tucked in the woods and out of sight. Talk to the neighbors and tip my cap on a little rug belly on the map. Oh, dirt road, deep snow, watching the fire as we grow. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, dirt road, rambling roads, watching the fire as we grow. Well, I'm so chef-d'œuvre Soul Folk de Feist. On n'entendait pas trop ça à l'époque, pas des sons comme ça. Un peu ce que fabrique aujourd'hui Bon Hiver, aujourd'hui. Mash Aboum. Et nous étions en 2004. Et je me souviens avoir joué ce titre en boucle dans la voiture pour rouler vers le sud à l'époque, et c'était vachement bien. On va aller encore plus loin que le sud, encore plus intriguant que le sud. On va aller du côté de la harpe, et pas n'importe laquelle, une harpe qui vient de Mongolie, car Céline Desberg a des origines à la fois mongoles et françaises. Hindi et bouddhisme. La France, les États-Unis et la pastorale mongolienne. Nous sommes en 2025. Thank you. La nuit des temps, Radio Dio. Salve simpatia. Paciente. Ach, tu miro. O que é que você quer ser quando crescer? Eu quero ser jogador de futebol, jogador de futebol. Ana Bela Gorda, diga lá, menina, o que é que você quer ser quando crescer? Passeando, hein? Aí, simpatia. Já tá de volta? Tão rápido assim? Passeando, hein? Drift est notre port play de la semaine. Il est toujours accompagné de Benny Sings et c'est vachement bien. Let's make an even exchange. How about a planet and moon or whatever it is. takes. I just wanna wake up to your face. That's all, that's all, that's all okay. That's all, that's all, that's all. Et le son East Coast, Pit Rock et CL Smooth ont marqué l'histoire du hip-hop parce qu'ils mélangeaient tout simplement et tranquillement le jazz, la soul et les samples. Là, c'est un instru de Pit Rock en solo. I Wish. Nous sommes en 2015. Never done. la nuit des temps, l'international de la danse. Harris est né en 1933. C'est un pianiste de jazz américain qui a mixé comme jamais le gospel, le swing et la soul. Il adore Art Tatum, Oscar Peterson et Errol Garner. Et nous aussi, voici Green River. Et la fiesta se déroule pile en 1974. Exactement la même. Bappy Lahiri a repris la ligne de basse de Billie Jean de Michael Jackson et, comme à son habitude, fait un pont entre la musique indienne et la dance américaine. C'est un extrait du film Kasam Paida Karne Wakleki. Et c'est un classique du cinéma hollywoodien. Nous sommes en 1984. Baby, I'll cook it for you. Yo, King Saul, what we gonna do about now, man? Right here at 90.3 FM WBAU. This is a once-in-a-lifetime, people. Keep your radios tuned to the dial. Give us a call. Let us know how you feel about it. All right, fellas, kick it live. Était la bosse. C'était avant Internet, avant Instagram. Lorsque la radio était la bosse et fournissait la musique que l'on ne pouvait pas entendre ailleurs. Comme dans les clubs. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Soul Fiction. When radio was boss. Yo, King Saul, what we gonna do about now, man? Right here at 90.3 FM WBAU. This is a once in a lifetime, people. Keep your radios tuned to the dial. Give us a call. Let us know how you feel about it. All right, fellas, kick it live. C'est un hommage à l'âge d'or de la radio. On écoute les voix des DJ de WBAU à New York. Et ça se passait au début des années 80. Everybody just keep listening to this world famous show. And listen, every single time we get on the air and start performing, the show people, you know, just how you act. How y'all act? Yeah, like we used to act, but we don't do it like that. We act crazy in some other ways, though. We'll be right back. go with the flow so naturally. You look so good out there, yeah, because synchronizing so viciously. Talking about déjà l'heure de fermer les portes de notre bon vieux club. Et ce soir, nous avons reçu sur notre dance floor The Pool depuis les années 80, Léon Vagnhall et Rhoda Scott, le formidable Daniel César, tout comme le kiffant Drift entouré de Feist, Philippe Catherine et Benny Sings. Il y avait également Salma Aga depuis Bollywood. Il y avait aussi Céline Desberg et sa harpe mongole. Le fantastique Jorge Benyor, depuis le Brésil des années 70, Pete Rock et le pianiste Jen Harris. Et nous avons terminé par le producteur allemand Soul Fiction, qui rendait un hommage magnifique aux radios hip-hop new-yorkaises des années 80. Maintenant l'heure de prendre le frais. On sort de notre bon vieux club pour regarder le ciel de Saint-Étienne, un ciel qui brille de 1000 étoiles et qui nous rappelle que oui, la radio, c'est vachement cool. La radio, Dio. Dans quelques instants, ce sont les bonus de la nuit des temps pour prolonger encore un peu cette soirée. Buona notte. Salut! La nuit des temps, Radio Duo. Smoking, drinking, fucking, and the ice thing ain't on nothing. Got it on me when I'm in the fun shit. Niggas stare too hard and I'm busting. Got the switch on this blue, can't duck this. And the clip too clear, I can't touch shit. This is West Coast shit you can't fuck with. South Central, all the way to Sunset. From Bronton, all the way to Sunset. I ain't bumming if I can't get the gun in. If I'm bumming, then you know I bring the bloods in. Blood in, blood out, bitch, we thug. You know enough gang signs. On that fuck the eye shit so much, they try to hit me with a hate crime. Chances I'ma take mine. Good pussy gotta fly across state lines. Yeah, got your lady spoiled. 100 bottles at the crib, no baby oil. Yeah, got your lady spoiled. 100 bottles at the crib, no baby oil. Smoking, drinking, fucking, and the ice thing ain't on nothing. Got it on me when I'm in the fun shit. Niggas stare too hard and I'm busting. Got a switch on this blue, can't duck this. And the clip too big, I can't touch shit. This is West Coast shit you can't fuck with. South Central, all the way to Sunset. From Hollywood, all the way to Bondi. Think about it when I'm on slossing. Selling hoes on fit like an auction. When you approach me, do it with some caution. I just turned Coachella in the Hoachella. And I got it on me, I'm a no felon. Catch a case, take the charge, don't do no telling. Don't do no arguing, don't do no yelling. Anytime that I perform, I got a blink on the stage. You can tell I'm cutting nuts, starting to look like Johnny K. Sell good cocaine on my burst free range. Bitch, I came from the trenches, shootouts and running phase. Smoking, drinking, fucking. And the ice thing ain't on nothing. Got it on me, but I'm in the fun shit. Niggas stare too hard and I'm busting. Got a switch on this blue, you can't duck this. And a clip too big, I can't touch shit. This is West Coast shit you can't fuck with. South Central, all the way to Sunset. This that West Coast shit you can't fuck with. I got her sucking on my dick, she got the duck lips. Freaky ass bitch, wanna fuck me with no condom. Life a nigga knows, if we spot him, then we on her. Bitch, see the boogers in her face like I'm sick. You try to turn her to a wife, but she out here doing dicks. She showing out, she doing tricks. I bend her over, then she put me on the floor and did the splits. Ay, I love the way she make a grip. I might let you give me head, baby, but don't kiss me on my lips. We got 1, 2, 3, 4 blickies in the vent. Let a nigga try to trip, we throwing bullets in his bitch. Let a nigga trip, he gon' get a facelift. That 40 Glock got him doing a matrix. All the pretty hoes gon' play this. Joey Badass gon' hate this. Smoking, drinking, fucking. And the ice thing ain't on nothing. Got it on me when I'm in the fun shit. Niggas stare too hard and I'm bussing. Got switch on this blue, can't duck this. And a clip too big, I can't touch shit. This is West Coast shit you can't fuck with. South Central, all the way to Sunset.